En face de vous, votre copine d'un air un peu grognon vous reproche 10 000 choses en plus le soir du réveillon. Elle menace de vous quitter si vous ne voulez pas changer. Faire plus attention à elle, lui dire plus souvent qu'elle est belle. Vous pensez que c'est du bluff, allez en plage 19. Changer c'est dur, mais elle le vaut bien, allez à la plage 20.